Oče. Le dilemme du pitre. Fermeture du troisième chapitre. Si. Yeah. Ok. Ok. J'évolue entre deux sentiments, 0 ou 1, mal ou bien, bref, rire ou pleurer. D'un coup t'as tout, puis tout à coup t'as plus rien. Parfois la vie te dégoûte, tu goûtes la chance au goutte à goutte. Tu mets les choses bout à bout, l'envie au coude à coude. Mais de ta bouche, avec tes tabous qui donnent le goût de rien. Écoute bien, j'ai beau lever la cabesse. Là d'où je viens, on refuse d'être la marionnette. Mais soyons honnêtes, on lève tous le troisième doigt comme des pantins. Sans action, on attend brave qui viendra appuyer le bouton. Tant que dit d'autres belleront comme des moutons. Donneront des leçons, des mormons qui crient révolution. Mec, c'est dead. En fait, on est excédé, on veut exceller. Pour ça, faut percer. Certains ont beau sortir des CD, mais ils trouvent pas l'accès. J'suis né avec des problèmes de pauvres. Moi, je connais les problèmes de riches. On s'en sort toujours à vivre dans l'excès, me dis pas non, car j'en suis sûr au fond de moi, marre de jalouser certains murs. Me dites pas que je suis le seul, j'attends toujours des likes de certains. Alors wesh ma gueule, c'est pas la fierté que j'abandonne. Je dénonce la maldonne, recrache ce mal d'homme. Je pardonne pas le daron, mon exemple, ma période où la daronne portait le caleçon. Le dilemme du pitre, tu caves la contradiction. Je pleure en tenant le sourire, c'est maladif. Calé entre bien et le mal, dites-moi qui fera la diff. Je tourne en rond tel un poisson, entre déboire et délit de poisson. Une fois que t'as plus la forme, tu t'arrêtes juste pour connaître le fond. Retirer du monde, savoir qui fera partie des vrais. Car souvent t'as tout faux, et le pire c'est que tu le sais. Bref, je suis pas là pour te faire la morale, apprendre les choses à la Dora. J'pense que tu connais la chorale. Concilier l'amitié, la fierté. Évoluer parmi ces mangeurs d'âmes qui n'ont plus rien à péter. Dilemme d'une confiance donnée qu'on viendra violer. Je l'ai donné plus d'une fois, mais ça, faut pas le répéter. Dilemme d'une faiblesse, d'un vice caché. À finir détruit, voire même endetté. C'est embêtant, hein. Ça bloque tes plans, hein. Une fois dans le pétrin, c'est loin d'être marrant, hein. Je garde le rictus d'un putain de rire jaune. Je me contiens pour éviter de foutre la zone. C'est là-dessus que je viens fermer le troisième chapitre. Dilemme du pitre à suivre en attendant le prochain. Si. Le dilemme du pitre. Yeah. Fermeture du prochain chapitre. Si. Le reste à suivre.